طيب، on commence inshallah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، on commence aujourd'hui le premier cours dans la lecture du livre du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah qui s'intitule نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. C'est-à-dire la critique du nationalisme arabe à la lumière de l'islam et de la réalité. Et c'est un livre important, surtout à notre époque, avec toutes les fitnes qu'on voit. Et toutes les formes de qawmiya, de asabiya, de jahiliya contemporaine. Hein? Donc on voit que ces appels sont en train d'être toutes ces bannières nationalistes qui se lèvent dans le monde. On les voit dans les pays de Kofor, et c'est là où se trouve l'origine de ces formes de ta'assub. Hein? Et on voit que ça se propage, et ça s'est propagé dans les pays arabes et dans les pays musulmans de façon générale, arabes et non arabes. Donc le cheikh, lui, rahimahullah, il a fait la critique du nationalisme arabe, mais il ne faut pas comprendre que ça se limite uniquement à la critique du nationalisme arabe. La critique, elle est générale, dans le sens que c'est toutes les formes de nationalisme qui sont concernées, et en particulier celles qui se manifestent entre les musulmans ou parmi les musulmans. Et on peut faire entrer dans ça aussi toutes les formes de racisme et les formes de tribalisme, les formes de chauvinisme, hein, et toutes les formes différents éléments sur lesquels les gens recherchent de la fierté pour s'élever au-dessus des autres, ou bien pour se distinguer des autres musulmans, ou bien pour penser qu'ils sont meilleurs que d'autres. Hein? Donc ça, c'est très important. Et donc, on va lire ensemble ce livre, et puis on espère que Allah Azza wa Jal, il nous aide à en profiter au maximum. Si vous voulez trouver ce livre-là, il est disponible sur Internet en format PDF. Et il est dans Majmou' al-Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'a de Cheikh Ibn Baz dans le volume 1 à la page 284. Donc vous le trouvez dans le volume 1, dans son Majmou' Fatawa. Et aussi dans des formats PDF, vous pouvez le trouver également sur Internet facilement et gratuitement, c'est-à-dire en arabe. Et on va se baser également sur un autre livre qui a été écrit par le Cheikh Salih Ibn Abdullah Al-Uboud. Ça parle du même sujet, sauf que le livre en question, c'est une thèse universitaire. Donc, elle rentre parfois dans plus de détails et plus en profondeur. Et on va s'y référer aussi, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Donc le Cheikh Ibn Baz, juste pour comprendre un petit peu comment il a établi son livre, ou comment il a présenté le sujet, il a fait une introduction et ensuite il a traité le sujet sur plusieurs points de vue. C'est-à-dire il a fait la critique de cette idée du nationalisme sur plusieurs points de vue. Et la première critique qu'il a fait, c'est au sujet de la division que le nationalisme amène. Ensuite, il a traité du deuxième point qu'il a mentionné, c'est au sujet du fait que le nationalisme fait partie de qu'est-ce qu'on appelle en arabe da'wal jahiliya, c'est-à-dire à l'appel de l'ignorance et de la période pré-islamique. Donc ça rentre dans ce qui est interdit de ce point de vue-là. Ensuite, Il parle également, ou il critique également le nationalisme arabe et le nationalisme en général, Et selon d'autres points de vue, bon, je vous ai mentionné deux. Donc, il y a le troisième point aussi. Oui, la troisième, c'est. C'est ça. Qu'elle contredit le principe de Al-Wala wal-Bara. Donc, ça aussi, on va en parler. Et le quatrième point. Donc, c'est ça. Il y a d'autres aspects aussi qui sont analysés aussi sur cette question-là par rapport au fait que ça divise la société musulmane et que ça appelle à juger selon autre que la révélation. Et puis ensuite, il y a d'autres détails qui sont clarifiés au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Donc, on va commencer tout de suite, Inch'Allah, avec l'explication du Cheikh Ibn Baz à ce sujet. Il dit Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fala yashukku muslimun lahu adna basiratin bit tarikh al-islami fi fadl al-arab al-muslimin wa ma qamu bihi min haml risalati al-islami fi al-qurun al-mufaddalah wa tablighihi li kafati al-shu'ub was-sidq fi ad-da'wati ilayhi wal-jihad li-nashrihi والدفاع عنه وتحمل المشاق العظيمة في ذلك حتى أظهرها الله على أيديهم وخفقت رايته في غالب المعمورة وشاهد العالم على أيدي دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم ورأوا في الإسلام كل ما يريدون وينشدون من خير الدنيا والآخرة ووجدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة تكفل لهم أو تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد وظلم المستبدين والغلاة الغاشمين وجدوا في الإسلام تنظيم علاقاتهم بالله سبحانه بعبادة عظيمة تصلهم بالله وتطهر قلوبهم من الشرك والحقد والكبر وتغرس فيها غاية الحب لله وكمال الذل له والتلذذ بمناجاته وتعرفهم بربهم وبأنفسهم وتذكرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كاد أن يغفلوا وجدوا في الإسلام تنظيم علاقاتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يجب عليهم من حقه والسير في سبيله ووجدوا في الإسلام أيضا تنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأقاربه وبين الرجل وإخوانه المسلمين وبين المسلمين والكفار بعبارات واضحة وأساليب جلية ووجدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم المجيدة فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجا وأدركوا فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. Donc ici le cheikh il fait une introduction générale et il explique après avoir mentionné la louange d'Allah et la bénédiction et la paix et l'éloge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il dit il n'y a pas de doute que n'importe quel musulman qui a une moindre compréhension de l'histoire islamique, il va reconnaître le mérite des Arabes musulmans et qu'est-ce qu'ils ont fait comme effort pour porter le message de l'islam parmi les trois meilleures générations et de transmettre cette religion à tous les peuples sur terre. Avec sincérité dans leur appel et dans leur invitation à l'islam et dans la lutte qu'ils ont menées pour propager et défendre cette religion, et dans les difficultés immenses qu'ils ont dû supporter, hein, pour parvenir à faire cela, jusqu'à ce que Allah Azzawajal fasse paraître, par l'effort de leurs mains, hein, ce qui montre la grandeur de cette religion, jusqu'à ce qu'elle se propage dans la plupart des parties du monde. Et le monde a été témoin, hein, à partir de ces prêcheurs qui ont propagé l'islam, ils ont été témoins, hein, au début de la propagation de l'islam et de l'expansion de l'islam, ils ont été témoins d'un système parfait et d'une justice, hein, qui a été établie avec cette religion. Et ils ont vu également tout ce qu'ils recherchaient, tout ce qu'ils souhaitaient dans les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Ils ont trouvé en l'islam une organisation de la vie qui est heureuse et qui amène le bonheur et qui leur donne également la fierté, l'honneur et la liberté, dans le sens que cette religion les libère, hein, d'être des esclaves, des créatures. Hein, il les amène à se libérer des injustes et des tyrans, hein, qui les oppressent et qui leur faisaient du tort. Donc ils ont trouvé en l'islam une organisation également de leur relation vis-à-vis d'Allah Azzawajal et de grandes formes d'adoration qui les relient à Allah Azzawajal et qui purifient leur cœur du shirk, de la rancune, de la haine, de l'orgueil, et qui plantent dans leur cœur l'amour d'Allah et la soumission totale à Allah Azzawajal, et qui les mène à savourer également la dévotion et la prière, hein, qu'ils font à leur Seigneur, Allah Azzawajal. Et une religion qui leur apprend à connaître leur Seigneur et à se connaître eux-mêmes, et qui leur rappelle d'Allah et de son droit immense sur eux. À chaque fois qu'ils deviennent insouciants ou qu'ils risquent de devenir insouciants, ils trouvent en l'islam, hein, un rappel pour les ramener justement à la droiture et à la reconnaissance de la grandeur de leur Seigneur. Ils ont également trouvé en l'islam l'organisation de la relation avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui est obligatoire pour eux par rapport à son droit et l'obligation de suivre sa voie et son chemin? Et ils ont trouvé également en l'islam la gestion et l'organisation des relations entre les dirigeants et les dirigés, entre l'homme et sa famille, l'homme et sa femme, l'homme et ses proches, l'homme et ses frères musulmans, et également les relations entre les musulmans et les non-musulmans parmi les kuffars. Et il y en a de façon plus claire et de façon explicite, toutes ces choses-là sont expliquées et clarifiées en détail dans l'islam. Et ils ont trouvé également en le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'en les sahaba, radiyallahu anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure manière et de la façon la plus correcte et plus parfaite, ils ont trouvé dans leur exemple, hein, l'interprétation de tout ce que cela peut signifier, la mise en pratique de tout ce que l'islam peut contenir comme bon comportement et comme œuvre glorieuse. Et donc, à cause de tout ça, les hommes ont aimé l'islam. Tous ceux qui ont été en contact avec l'islam et avec les musulmans ont aimé cette religion. Et ils l'ont respectée. Et ils sont rentrés dans cette religion-là par groupe, parce qu'ils ont compris tout le bien, toute la sérénité et toute la réforme que cette religion-là pouvait contenir et qu'est-ce qu'elle pouvait leur procurer dans leur vie. Le cheikh il dit ensuite « والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخلاق كريمة تصلح القلوب وتؤلف بينها وتربطها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه والتفاني في نصر دينه والتمسك بتعاليمه والتواصي بالحق والصبر عليه لا ريب أن الكلام في هذا الباب يطول والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام إلى غالب المعمورة وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام والمسارعة إلى الدخول فيه لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة والتعريف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده ولما اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثل أحكام الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس وحققوا بذلك معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومعنى الآية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس. Donc le cheikh il résume encore qu'est-ce qu'il a expliqué quand on parle des particularités de l'islam et de tout ce que l'islam comprend comme règles nobles et comme comportement noble également et tout ce que l'islam comprend en ce qui concerne la réforme des cœurs et le fait que yani, les règles de l'islam réforment les cœurs et réunissent les cœurs et les rattachent ensemble dans l'amour en Allah et également dans le fait de faire tous les efforts possibles dans le but justement de venir au secours de cette religion et de s'accrocher à ses enseignements et de s'enjoindre les uns les autres dans la vérité et dans la patience. Et il n'y a pas de doute que de parler à ce sujet-là, c'est un sujet qui est long si on commence à vouloir énumérer et donner plein d'exemples pour clarifier ces questions-là et ces exemples-là. Mais le but ici, c'est en particulier d'indiquer une chose qui est tout ce que le monde a obtenu par la main des musulmans arabes qui ont, au tout début de l'islam, fait les efforts nécessaires dans le but de propager cette religion et qui ont été endurants sur cette voie dans le but justement de faire connaître à l'humanité le message d'Allah Azza wa Jal et la religion de vérité. Et donc, Allah Azza wa Jal les a honorés à cause de ça. Et c'est un grand honneur pour eux d'avoir été ceux qui justement ont porté le message de l'islam à la majorité des pays du monde. Et donc, à cause de ça, les gens ont aimé l'islam et ont voulu accepter cette religion et s'y convertir et rentrer dans la foi. Et à cause également, bien entendu, de toutes les règles droites et des enseignements de miséricorde et de bien qui sont présents dans cette religion et l'enseignement qui nous apprend à connaître qui est Allah, quels sont ses noms, quels sont ses attributs et quel est le droit qu'il a sur ses serviteurs et également tout ce que les gens qui ont porté cette religion-là et qui ont invité les hommes à y entrer tout ce qu'ils avaient adopté comme exemple des comportements et des règles de l'islam dans leurs paroles et dans leurs actions et dans leurs comportements, jusqu'à ce qu'ils deviennent les meilleurs hommes qui sont sortis pour les hommes. Et ils ont donc concrétisé par cela la signification du verset dans Sourate Al-Imran, le verset 110, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. » Et Abu Huraira radiallahu anhu, quand il a expliqué ce verset-là, il a dit « C'est-à-dire que vous êtes les meilleurs hommes pour les hommes. » C'est-à-dire pour le bien des hommes et pour le bien de l'humanité. Il n'y a personne parmi les hommes qui est meilleur pour les hommes que vous. Justement parce que vous avez adopté les caractéristiques et vous avez implémenté les enseignements et les principes de cette religion. Et par conséquent, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et donc, tout ce que le bien peut comprendre, en commençant par la foi en Allah et le tawhid d'Allah, et toute l'interdiction du mal, en commençant par le plus grand mal, qui est le shirk et le kufr. Tout ça, et tout ce que ça comprend par la suite, et vous croyez en Allah. Vous avez la foi en Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est les conditions qui sont nécessaires pour faire partie. Il y en a de la nation qui est décrite ici comme étant la meilleure qui est sortie pour les hommes. Et le cheikh, il dit « Wala yashukku muslimun qad arafa ma kana alayhi al-muslimuna fi sadr al-islam fi ma zakarnahu fa huwa min al-haqa'iq al-ma'lumati bayna al-muslimin wala yashukku muslimun fi ma lil-muslimina ghayr al-arab min al-fadl wal-jihad al-mashkur في مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين والجهاد في إعلاء كلمته وتبليغ سكان المعمورة شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة وجعلنا من أتباعهم بإحسان إنه على كل شيء قدير. Il dit, il n'y a pas de doute également. Le musulman n'a pas de doute sur le fait que, il dit, il n'y a pas de doute, le musulman, il ne va pas douter. Yani que les premiers musulmans les musulmans qui ont reçu le message de l'islam, en commençant par les sahaba et les tabi'in, et tabi'in, tous ces premières générations de l'islam, il n'y a pas de doute, et le musulman ne doute pas sur le fait qu'ils ont été tels que nous l'avons mentionné, et tels que nous venons de le décrire. Parce que ce sont des réalités qui sont connues entre les musulmans. De même que le musulman ne doute pas du fait que les musulmans non-arabes ont eu aussi un grand mérite, et qu'ils ont fait une lutte qui est reconnue et remerciée, et qu'ils sont venus à l'aide de leurs frères parmi les musulmans arabes dans la propagation de cette religion, et dans la lutte et dans le djihad, dans le but d'élever la parole d'Allah Azza wa Jal et de propager cette religion à travers le monde. Donc Allah récompense et remercie tous les gens qui ont travaillé à cette tâche immense et majestueuse, et qu'il fasse que nous soyons tous parmi ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Il a certes le pouvoir sur toutes choses. Et le cheikh, il dit ensuite, وَإِنَّمَا الَّذِي يُنْكِرُ الْيَوْمُ إِنَّمَا الَّذِي يُنْكَرُ الْيَوْمُ وَيُسْتَغْرَبُ صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي رفعهم الله به وأعزهم بحمل رسالته وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالم لما حملوا لواءه وجاهدوا في سبيله بصدق وإخلاص حتى فتحوا الدنيا وكسروا كسرى وقصروا قيصرى واستولوا على خزائن مملكتيهما وأنفقوها في سبيل الله سبحانه وكانوا حين ذاك في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحاب في الله سبحانه وتعالى والمؤاخاة فيه. لا فرق عندهم بين عربي وعجمي، ولا بين أحمر وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا بين شرقي وغربي، بل هم في ذلك إخوان متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، مجاهدون في سبيل الله، صابرون على دين الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، يوالون في الإسلام ويعادون فيه، ويحبون عليه ويبغضون عليه، ولذلك كفاهم الله مكائد أعدائهم وكتب لهم النصر في جميع ميادين جهادهم كما وعدهم الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه المبين، حيث يقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Donc le cheikh il explique, il dit qu'est-ce qui est étonnant et qu'est-ce qu'on condamne aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup d'entre les enfants de l'islam, parmi les arabes, se détournent de cet appel à cette religion immense par laquelle Allah Azza wa Jal les a élevés et leur a donné la fierté de porter justement son message et a fait d'eux les rois du monde et les chefs de ce monde. Lorsqu'ils ont porté la bannière de cette religion et qu'ils ont lutté dans le sentier de cette religion avec sincérité, avec pureté d'intention, jusqu'à ce qu'ils réussissent à conquérir le monde et qu'ils ont brisé l'empire de Kisra, qui était l'empereur perse, et l'empire de Caesar, César, l'empire romain. Et ils ont pris le dessus sur les trésors de ces deux empires et ont utilisé justement ces trésors et l'ont dépensé dans le sentier d'Allah. Et à ce moment-là, ils étaient au niveau le plus élevé de la sincérité, de la pureté, d'intention et d'adoration. Et de l'honnêteté et de la fidélité et de la responsabilité qu'ils avaient et dans l'amour qu'ils avaient en Allah et de la fraternité qu'ils avaient justement en Allah Azza wa Jal, parce qu'ils s'aimaient en Allah et pour Allah, et ils ne faisaient à ce moment-là aucune distinction entre un arabe et un non-arabe, entre un noir ou un blanc, un rouge ou un noir, entre un pauvre ou un riche, entre un oriental et un occidental, ou quelqu'un de l'Est ou de l'Ouest. Ils n'étaient que des frères qui s'aiment les uns les autres en Allah Azza wa Jal et qui s'entraident les uns les autres dans la piété et dans le fait de se préserver d'Allah Azza wa Jal et de son châtiment, et qui luttent et font le djihad dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah, et qui endurent les épreuves et les tribulations et les difficultés dans le chemin de la propagation de cette religion de l'islam, et qui ne prend ils ne prennent le blâme d'aucun blâmeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, du moment qu'ils sont sur l'ordre d'Allah et son commandement, ils ne vont se laisser intimider par la critique ou par le blâme de quiconque. Et ils aiment pour Allah et s'affilient pour Allah. Et ils détestent pour Allah et se désavouent des gens pour Allah. Et ils aiment pour Allah et ils détestent pour Allah uniquement et pour rien d'autre. Pas pour d'autres éléments de futiles de la dunya. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, des gens qui se disent musulmans ou qui disent qu'ils sont musulmans et qui, par la suite, détestent d'autres musulmans qui sont sur le Coran et la Sunna comme eux et qui aiment Allah et son messager. Alors, il y a certains musulmans qui font des distinctions, parfois, parce que quelqu'un vient d'un autre pays ou qu'il est d'une autre origine ethnique, ou parce qu'il parle une autre langue, ou parce qu'il a une autre couleur. Tout ça fait partie de la jahiliya. Et ça, c'est condamné en islam, et c'est interdit par l'islam. Et imaginez, quand ces choses-là, et on va en parler de toute façon, mais quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en vie, il n'acceptait pas, sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans se disputent les uns contre les autres et qu'ils se distinguent les uns des autres par des appellations quelconques ou à cause de leur origine ou à cause de leur classe sociale ou à cause de leur rang ou à cause de leur famille, leur noblesse, leur richesse, leur pauvreté, leur couleur, non. Rien de ça n'était toléré par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il considérait toutes ces choses-là comme faisant partie de la jahiliya. Or, aujourd'hui, on le voit, dans beaucoup de pays musulmans, des formes de discrimination ou de racisme même parfois, ou bien de dénigrement de certaines personnes, ou bien de penser qu'on est meilleur que les autres. Que ce soit des différences entre les gens, par exemple, dans le même pays, parfois dans la même couleur, mais parce qu'ils sont différentes ethnies. Et ça, c'est de la jahiliya. Et tu vois que dans certains pays musulmans, certains musulmans veulent se séparer des autres. Tu vois que une partie des pays musulmans qui demandent l'indépendance de l'autre partie. Alors que les deux sont des frères. Les deux groupes sont des frères. Et les deux croient en Allah. Et les deux font la salat. Et les deux récitent le Coran. Et les deux croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux vont à la mosquée. Et les deux vont faire le hajj et la umrah à Mecca. Et les deux vont prier le jumu'ah ensemble. Et après, quand ils sortent, ils se détestent. Pourquoi? Pour la dunya. Ou bien pour des futilités de la jahiliya. Et tout ça, c'est condamné par l'islam. Et donc, le cheikh, il y a un frère qui m'a dit aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en France aujourd'hui? Je ne sais pas, il y en a des discriminations, du racisme entre des gens qui sont tous les deux des musulmans. Un qui vient d'un pays et l'autre qui vient d'un autre pays. Un qui est d'une couleur et l'autre qui est d'une autre couleur. Et qui se permet de dénigrer son frère à cause de son origine. Ou à cause de la couleur de sa peau. Ça, c'est de la jahiliya. Et ça, c'est interdit en islam. Le musulman, il doit aimer tous les musulmans, peu importe leur couleur. Peu importe le pays d'où il vient. Peu importe leur origine. Et donc ça, c'est important. Il y a des musulmans, parfois des blancs, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux noirs. Et il y en a des noirs qui pensent que parce qu'ils sont noirs, ils sont supérieurs aux blancs. Les deux sont dans l'égarement. Les deux suivent la voie d'Iblis, la voie du shaitan. Parce que c'est le shaitan qui a dit, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que Adam. Je suis créé de feu, lui, il est créé de terre. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Est-ce que c'est ça qui fait que quelqu'un est meilleur qu'un autre? C'est pas ça qui fait la différence. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux, celui qui se préserve d'Allah Azza wa Jal et de son châtiment en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit. C'est lui le meilleur. Peu importe sa couleur, peu importe son origine, peu importe son rang social, peu importe sa pauvreté, hein? Peu importe sa richesse. Donc, où est-ce qu'on en est, nous, les musulmans? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith, dans sa khutbah al-hajja, il a dit, « La fadla li arabiyin ala ajami, wala abiyad ala aswad, illa bit taqwa. » Ou est-ce que ça, c'est juste des paroles qu'on répète du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'y croit pas? Est-ce que c'est juste des choses qu'on dit constamment, mais quand c'est le temps de le mettre en pratique, on l'oublie? Donc ça, c'est vraiment grave. Et donc le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, les premiers musulmans, ils s'aimaient les uns les autres en Allah, et ils se détestaient pour Allah. Hein? Et à cause de ça, Allah Azza wa Jal les a préservés des ruses de leurs ennemis. Aujourd'hui, pourquoi nos ennemis sont capables de nous battre et de nous humilier et de nous rabaisser? Parce qu'ils ont compris comment nous diviser. Et nous, on est tombés dans le piège. Parce que justement, avec ces différentes formes de nationalisme et de racisme, ils ont divisé la Ummah. Et nous, on a suivi dans ça, dans ce piège. Allahu al-musta'an. Et donc, il dit, وَكَتَبَ لَهُمُ النَّصْرِ فِي جَمِيعِ مَيَادِينَ جِهَادِهِمْ. Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire dans tous les domaines de leur lutte et de leur jihad. Comme Allah Azza wa Jal leur avait promis dans le Coran, lorsqu'il dit dans le verset 47 dans Sourate Ar-Rum, Et c'est un devoir pour Allah de secourir les croyants. Hein? Il dit, c'est un devoir pour nous. C'est un droit, hein, que nous devons aider et secourir les croyants. Et dans le verset 7 dans Sourate Muhammad, Allah Azza wa Jal, il dit, ô vous qui avez cru, si vous venez au secours d'Allah, hein, de sa religion, Allah va venir à votre secours. Et il va raffermir vos pas. Il va raffermir vos pieds. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que c'est une promesse d'Allah. Mais il faut respecter la condition pour pouvoir mériter cette promesse. Également, le cheikh, il dit, ثُمَّ بَعْدَ هَذَا الشَّرَفَ الْعَظِيمُ وَالنَّصْرَ الْمُؤَزَّرُ مِنَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ نَرَى نَفَرًا مِنْ أَبْنَائِنَا يُخْدَعُونَ بِالْمَبَادِئِ الْمُنْحَرِفَةِ وَيَدْعُونَ إِلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا فَضْلَ الْإِسْلَامِ وما حصل لأسلافهم بالإسلام من العزة والكرامة والمجد الشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام الصادقين حتى إن عدوهم لا يخافهم وهو عندهم مسيرة شهر وهو عنهم مسيرة شهر نسي هؤلاء أو تناسوا هذا المجد المؤثل العز العظيم والملك الكبير الذي ناله المسلمون بالإسلام فصار هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية ويعرفونها بأنها اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر ولتحصيل المصالح المشتركة واستعادة المجد السليم قد اختلف الدعاة إليها في عناصرها فمن قائل أنها الوطن والنسب واللغة العربية ومن قائل أنها اللغة فقط ومن قائل أنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال ومن قائل غير ذلك أما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم وقد صرح كثير من كثير بأن الدين لا دخل له في القومية وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان أو تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة كما سلف ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل فإذا كان هذا هو الهدف ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليه وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة ما هو أكمل وأعظم مما يرتجي من وراء القومية ومعلوم عند كل ذي لب سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب والإيمان بصحة الهدف وسلامة العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخترعه البشر ولم ينزل به وحي السماء ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إيمان بالله وصدق في معاملته ومعاملة عباده مضمون له النصر وحسن العاقبة كما في الآيات الكريمات التي أسلفنا ذكرها بخلاف التكاتف والتعاون المبني على فكرة جاهلية تقليدية لم يأتي بها شرع ولم يضمن لها النصر Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on va juste faire la traduction du dernier passage. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc il dit le Cheikh que cette noblesse et cette victoire que Allah Azza wa Jal a donnée aux croyants parmi les Arabes et les non-Arabes, ça c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal avait promis. Il dit, mais on voit malheureusement de nos fils parmi les musulmans qui se sont laissés tromper par des principes déviés et qui appellent à autre que l'islam. Et il dit, c'est comme s'ils n'avaient pas connu le mérite de l'islam et ce que leurs prédécesseurs ont obtenu par l'islam comme honneur et fierté et comme grandeur et majesté. Et comment ils ont établi une société forte. Et Allah Azza wa Jal l'a prescrit et l'a écrit pour tout peuple qui suit l'islam avec sincérité. Même leur ennemi avait peur d'eux d'une distance d'un mois. Donc ces gens-là ont oublié, ou ils font exprès d'oublier, la grande majesté, la grande fierté et le grand royaume que les musulmans ont réussi à acquérir par l'islam. Et donc ces enfants de l'islam et des musulmans, au lieu d'appeler à l'islam, ils se réunissent pour appeler, ils se réunissent et se rassemblent autour du nationalisme. Le nationalisme arabe. Et après le nationalisme arabe, Eh bien, une fois que les Arabes se réunissent autour du nationalisme, qu'est-ce que ça fait? Pour les autres peuples musulmans qui ne sont pas arabes, ils se réunissent autour de d'autres formes de nationalisme aussi. Les Arabes se réunissent autour du nationalisme arabe, les Turcs se réunissent autour du nationalisme turc, les Indiens se réunissent autour du nationalisme indien ou pakistanais, les Africains se réunissent autour du nationalisme africain, et ainsi de suite. Et le résultat, c'est bien entendu la division des musulmans. Mais le pire, c'est que ces gens-là, ils prétendent qu'ils se réunissent de cette façon autour du nationalisme dans le but de purifier leur terre et leur pays de l'ennemi colonisateur et pour amener un bienfait commun et pour faire revenir leur fierté qu'ils ont perdue. Et donc, le cheikh, il explique et il dit, entre eux, c'est-à-dire les gens qui appellent au nationalisme, ils n'ont pas trouvé une définition unique sur laquelle ils se sont tous mis d'accord. Ils divergent beaucoup entre eux. Certains d'entre eux ont dit, la référence ou la chose autour de laquelle on va se réunir, c'est la nation, c'est l'origine et c'est la langue arabe pour les Arabes. Et si c'est d'autres peuples, ils se réunissent sur d'autres langues. Hein? Comme les nationalismes de différents pays, ils se réunissent autour de leur langue et autour de leur nation. Et si c'est certains qui rajoutent à ça un lien par rapport à l'origine, hein, ou l'ethnie, ou des choses de ce genre, on le voit dans différents pays dans le monde. La montée du nationalisme, elle est partout. Et certains, ils ont dit non, c'est seulement la langue qui compte. Hein, et on le voit ici, par exemple, au Québec, les nationalistes qui appellent à la langue française, par exemple. Donc, eux, avant, il y avait la religion. Ils avaient la religion catholique. Là, ils ont dit, ah, pas besoin de la religion. Maintenant, c'est juste la langue. Et maintenant qu'il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de gens de différentes origines, ils ne peuvent pas appeler à une origine, parce que sinon, c'est clair que ça crée de la discrimination. Donc, ils vont dire, là, non, c'est seulement la langue. Et il y en a d'autres qui disent, c'est la langue, et en plus de la langue, c'est, il y en a, les douleurs et les espoirs communs qu'on ressent, qui nous réunissent. Et c'est autour de ça qu'on s'unit. Et d'autres ont dit d'autres choses également. Mais la religion, ils n'ont pas pris ça comme une référence. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceux parmi les penseurs ou les théoriciens du nationalisme arabe ou autre, ils l'ont dit de façon explicite qu'ils ne voulaient pas se référer à la religion du tout. Hein? Et que ça n'a rien à voir avec le nationalisme pour eux. Et certains d'entre eux ont dit, on respecte toutes les religions, y compris l'islam et les autres aussi. Donc ça veut dire qu'ils mettent l'islam et les religions, les autres religions, c'est-à-dire les religions de kofre et de shirk et d'égarement, ils les mettent au même plan et au même degré que l'islam, la religion d'Allah. Donc tu vois, ça c'est surtout les idées des gens qui sont laïcs ou qui ont ces idéologies-là. Pour eux, toutes les religions s'équivalent et il n'y a pas une qui mérite plus d'être respectée que l'autre, c'est-à-dire ils disent qu'ils les respectent toutes. Et ça c'est de la contradiction, puisque toutes les religions sont différentes et se contredisent les unes les autres. Donc si tu les respectes toutes, wa alaykoum salam wa rahmatullah, si tu les respectes toutes, ça implique que tu respectes la contradiction. Et ça, c'est illogique. Si quelqu'un, il a un bon sens, il ne peut pas accepter ça. Et donc, ils disent donc qu'ils veulent se réunir autour de ces principes-là contre leurs ennemis pour obtenir un bienfait commun, comme on l'a expliqué. Et le cheikh, il dit, si ça, c'est un objectif qu'ils ont, c'est un objectif qui est noble. Mais pourquoi, dans ce cas-là, écarter l'islam de cet objectif? Hein? Parce que dans l'islam, il y a ce qui appelle les musulmans justement à se réunir et à s'entraider pour secourir la cause de l'islam et à protéger les terres de l'islam contre les ennemis et pour obtenir justement un bienfait commun et qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus parfait que ce que les nationalismes ou les nationalistes peuvent utiliser comme idée ou comme moyen pour y parvenir. Et il dit, n'importe quelle personne qui détient un minimum de raison et de compréhension, hein, il va voir que l'entraide et la collaboration, à la base, ça vient du cœur. Hein, ça part du cœur. Et la foi en la véracité de l'objectif et le fait que notre conclusion, hein, qu'on ait une bonne conclusion dans ce bas monde et après la mort, comme c'est le cas dans la foi de l'islam authentique, ça, c'est les choses les plus grandes qui peuvent aider les gens à se réunir et à travailler ensemble. Beaucoup plus que si c'est de se réunir autour d'une idéologie qui a été inventée par des êtres humains et au sujet de laquelle Allah n'a fait descendre aucune révélation. Hein? Et dont la conclusion n'a pas été garantie comme étant avec une promesse de victoire et de réussite, comme c'est le cas avec l'islam. Puisque Allah Azzawajal a promis la victoire aux croyants. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. J'avais mal calculé le temps aujourd'hui. Donc, je vois que là, c'est l'heure de l'Iqama. On va s'arrêter pour la salat, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.